On meurt avec un vécu, aucun mec invaincu. Désormais convaincu des lacunes qu'on véhicule. T'es attiré par le très chic, mais le trafic te coûtera cher. La vie est un crash test tragique, il vaut mieux tracher. Cacher tes pensées tragiques, cracher ce que t'as dans la trachée. Plusieurs trajectoires, tu peux recevoir une rage et pendant le trajet en un clin d'œil. Car la mort est complice, une vie combat clin d'œil. On ne se rend compte des choses qui comptent que quand on nous les arrache. Le genre de jeune qui retourne contre lui-même sa rage, hein. Mec un brin nomade, faisant partie des gringalés en pleine dégringolade. Des grains de folie dans le sablier, et plein de faux types dans mes alliés. On dormait par terre chez moi, tu sais que c'était pas grand. Puisqu'on a partagé, jamais j'insulterai tes parents. Oui ça m'affecte, tu verras ça avec. Ce monde est défectueux pour un homme affectueux. Ma rancœur nage dans l'encre noire. Je dois sortir de l'engrenage. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, ah. Faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Ah, je vois défiler les années. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Ah, l'enfant l'a mandé, salut. Je te livre les écrits d'un poisson. Chaque soir bercé par les cris d'un voisin, victime de crise d'angoisse. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Si t'as besoin de recul, appuie sur la détente. Une sévère hémorragie, j'aimerais m'arracher. J'ai laissé mes remords agir et mes pensées sont impuissantes. Elles dérivent vers le tiers monde. Les petits qui sortent du ruisseau veulent des rivières de diamants. L'enfer est gelé, le paradis crame. Tout le monde rêve de planer, t'as pas de maladie grave. Tu débats les voiles à 10 grammes. Tu prends tes thunes, pas d'études, mais tu passes ton premier examen pour une maladie grave. Je vois mon pote obligé de se priver les joues creusées. Accepter leurs privilèges ou crever la tèche, ouais. Moi je l'ai connu et je l'ai déjoué. Tous les doutes je l'ai déjoué, genre de question déjoué. Sincèrement, j'en fais le cerf. Je vais combattre le système en m'en servant. Leur âme est souillée comme l'air de la terre. Mais que puis-je changer sans faire d'affaires? Il faut faire des sous, c'est le nerf de la guerre. Pour monter des assauts et rendre fière ma mère. Avant que Lucifer ne me crucifie, je me suis laissé faire et j'ai crucifié cette fille à mes pieds. Je me méfie d'elle. Y'a qu'en amitié qu'on est fidèle. C'est un péché, mais je l'attends devant l'autel. Tout est une question de volonté, levons nos têtes. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, non non non non non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller, ah. Faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Ah, je vois défiler les années. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Ah, faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chantre dehors, c'est la chatte. Ah, l'enfant l'a mandé, salut. Pas que je me laisse aller, aga. Fasciné par les voyous, je voulais leur ressembler. Mais leur cœur était sec et je le ressentais. J'essaye de rester un gosse. Y'a que quand t'es un gosse que t'es heureux sembler. Je me sens très faible, mauvais rejeton. Je fais un rejet quand les gens sans cœur viennent se greffer. Ma mère, elle pensait pas que j'y raisonnais, que j'élargirais mon réseau prenant des risques irraisonnés. Des risques que j'en ai pris, gars, ça partait en tape débile. Je me suis retrouvé à la brigade départementale des mineurs. C'était l'âge, fallait que ça passe. Après la haine vient la paix. Comme elle a du mal et qu'elle chabase. On m'a dit maîtrise ta colère. Est-ce que j'étais triste à tort? J'avais la directrice à dos. Est-ce que c'était qu'une crise d'ado? Un parcours vrillé. Un samedi soir en garde à 20 mecs m'a dit t'es là pourquoi? J'ai répondu je suis là pour briller.